Hola i benvinguts a una nova sessió de teràpia de grups amb el doctor J. Avui he pensat que podríem fer un tour per aquest país tan proper i tan desconegut que és França. He pensat que podríem repassar uns quants grups nous, d'altres no tan nous, però definitivament res de cantautors antics, que estaria molt bé algun dia de fer-ho, sens dubte. He intentat fer una petita selecció de diversos estils, molts estils s'han quedat, evidentment, però sobretot estils que, evidentment, estils que a mi m'agraden. S'ha de dir que a França fan de tot, això és evident, des de rock, pop, funky, soul, música electrònica i rap. Així doncs, m'agradaria començar amb un tio que es diu Ben l'Oncle Soul, és el nom artístic. Ell de debò es diu Benjamin Duterte, o Benjamin Duterte, no sé com es deu pronunciar. Va néixer el 10 de novembre del 84, fa soul pop. Ell va començar cantant gospel cap allà el 2004, a un grup que es deia Fitibana. Ell és cantant i compositor. El nom de Ben, l'Oncle Soul, ve degut a que li agrada portar un tipus de corbata que s'assembla molt a la figura comercial d'un arròs americà que es deia Uncle Ben Rice, i els amics amb la conya li van començar a dir Oncle Ben, i cap al 2009 va decidir canviar-s'ho just abans de presentar el seu primer àlbum de debut, àlbum amb el seu propi nom, Ben l'Oncle Soul. L'àlbum de debut va sortir el 2010. Us posaré doncs el que és el segon tall del seu disco, que es diu Petit Soeur, petita germana, Ben l'Oncle Soul. Comment te dire, ça me fait de la peine. Je ne vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu zen, non. Tu les fais s'enfuir, sans deviner ce qui les gêne. Ah. Ça reste entre nous, vivre avec toi est un cauchemar. Ouais, c'est tous des connards. Ouais, j'aimerais t'aider, j'aimerais te le croire, mais je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Tu as comme un don pour les pousser à l'adultère. Ouais, t'as en ça ne tourne pas rond, les amours ont un air d'incarcération quand plus tu mets pour être clair. Tiens, prends donc un mouchoir. Ouais. J'aimerais t'aider, j'aimerais te croire, mais je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Yeah. Hem sentit Ben, l'oncle Soul, Petite Sœur. Seguirem amb una de les cantants que més impressionen últimament, de nom artístic Zaz. Ella es diu Isabelle Geffroy, no sé com collons es deu pronunciar en francès. Va néixer l'1 de maig del 80 a Chambrai-les-Tours. És cantautora i fusiona la cançó francesa amb el gypsy jazz. Gypsy jazz és pràcticament swing. El primer àlbum va sortir el 10 de maig del 2010, però actualment ja té 7 àlbums. És de mare professora de castellà i pare electricista. Una noia que a 5 anys va entrar al Conservatori de Tours per estudiar violí, guitarra, cant coral i, evidentment, solfeig. El tema que us posaré es diu Les Passants, però no us posaré el tema del disco. Us posaré una gravació que es va fer a si mateixa, a Montmartre. És un barri de París on els artistes estan pel carrer, des de pintors a caricaturistes, músics, evidentment, està ple de restaurants molt pijos, la veritat, bon menjar, però molt pijos. Està en un turó, en una església allà, és xulo. És un barri que surt d'Amélie, de fet, quan puja aquelles escales, li fa pujar el tio les escales mentre pinta les fletxes a terra. I la zona on hi ha els artistes és a darrere de lo que es veu a la pel·lícula. Així doncs, us deixo amb Zaz, Zaz a Montmartre. El so ja veureu que està gravat així com així, deu ser d'un mòbil, un mòbil que grava bastant bé, la veritat. I el tema és Les Passants, Zaz. Et ça tourne! Action! Dites un truc, vous faites toujours l'inverse, je vous adore. Ok, putain, ça je vous adore. C'est écrit dans un dessin animé. Passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser, leurs pas pressés dans leur corps lésé, leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan, leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Hein, hein. Wouh! Enfin, en effet, que de fait, le fait est que le fait se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'automne déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Grin-kidin, passe, passe, passera, la dernière restera. Chapado, vadviti, vavadvi, lavobo, fayo, vadvi, panadayay. Chananati, ti, vanavai, vadodo, peya, vavu, vanavadi, di, di, vado, pepe, shado, vavu, panoveay. Chapado, vadvi, vavu, panovadiyay. paranoia, vovò panora, ti ti ti ti, vado feara do vovò pai. Chaque mois se joue dans des cycles différents, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers temps d'un état à un autre. Je suis inexorablement par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose glissent comme se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits pour que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passe, passe. Ah! Hem sentit Zaz amb les passants. Zaz amb les passants. Era una guitarra, un contrabaix i la tia cantant apoyada a la finestra d'un restaurant. Seguirem amb un grup que es diu Cocoon, Cocoon com la pel·lícula, de pop folk. El grup es va crear el 2006 a Clermont-Ferrand. Canten bàsicament en anglès i els seus components són Marc Daumile i Morgan Imbo. I es caracteritzen bàsicament per veus principals dobles. El seu primer disco, que es diu My Friends All Died in a Plane Crash, és del 2007, i llavors en tenen un altre que es diu Where the Oceans End, del 2010. Us deixo amb el segon tema del seu primer disco, My Friends All Died in a Plane Crash, i el tema Pulsars. Just keep silent. And in the places where you've been, nobody will say you've been seen. And I go to the woods once or twice a year, and I sing doo-doo-doo when they shave my hair. And I can see the vultures, vultures, starving vultures, vultures. And the and I can Aquests eren Cocoons, Cocoon amb Vultures, que vol dir buitres. Seguirem amb Indila. Indila Cedraia, nascuda el 26 de juny del 84 a París, és una cantant i compositora d'origen àrabs. Pel que sé, va començar col·laborant amb rappers. Cosa que li va donar bastanta tirada, sobretot bastanta experiència, i va estrenar el primer senzill, Dernier Dance, al novembre del 2013. Cançó que forma part del seu primer disc, Mini World, que es va editar poc després, al febrer del 2014. Segons ella, les seves influències són des de Michael Jackson a Jacques Brel a Buica, Concha Buica. Us deixo doncs amb Indila i el tema Dernier Dance. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Hem sentit Indila amb Dernier Dance. I per seguir, un grup que trencarà una mica els esquemes per uns moments, segurament a molts dels oients de Ràdio Pinsania els encantarà. Es diuen Les Ramones de Menirs, Suposo que els Ramons dels Menhirs, no sé. Són un grup de punk celta. Es van crear el 2006 a Bretanya i està format per una parella de soneurs, són músics tradicionals de la Bretanya. Un d'ells és Eric Gors, que toca la bombarda, Richard Babylon, que toca el vinil, que és una espècie de gaita bretona, i Maurice Joan, a veure que m'ho miri, sí, Maurice Joan No, de cant tradicional, juntament amb un tal Logan, que toca la guitarra. La majoria de cançons seves, pel que es veu, estan cantades amb la llengua originària de Bretanya, el bretó. Ja veureu que trenco una mica els esquemes, però mentre buscava grups francesos actuals m'ha sortit això i no m'he pogut estar de posar-los. Amb tots vosaltres, Les Ramoneus de Menhirs, amb algú que es diu Dans Guadec 1. We'll be right back. Aquests eren Les Ramoneus de Menirs. I ja que hem canviat una vegada d'esquema totalment, ara tornarem a canviar. És ben sabut que a França hi ha molt rap i molt bo, la veritat. Si jo faig rap, segurament és gràcies a la influència dels francesos. I posaré un tio que el seu pseudònim és Kerry James, però ell es diu Alix Mathurin. Va néixer el 28 de desembre del 77 a Guadalupe. És de pares haitians, però ell resideix a Orlí. Es veu que va començar a rapejar als 12 anys amb un grup que es deia Ideal J, Ideal Junior. I va formar part del col·lectiu Mafia K.U. Free Fry, F-R-Y. Un grup molt, molt controvertit, perquè el 98 va treure una cançó i un videoclip que es diu Hardcore, que va ser censurat tant a les ràdios com a la televisió, tant pel seu contingut en lletres com les imatges del videoclip. Jo avui m'he mirat el videoclip i tampoc n'hi ha per tant, però bueno. I el tal Alix Mathurin va anar fent, fins que el 99 es va morir el seu amic, un tal L.A.S. Montana, el que li va fer replantejar-se la vida i llançar-se, deixar una miqueta el món de la música per dedicar-se a l'islam. Suposo que necessitava reafirmar-se a si mateix. Però bueno, el 2001 va tornar al món de la música, ha tret un parell de discos, ha tornat amb un flow molt més pausat i madur. Us deixo amb el seu tema, Lettre a la République, Kerry James. Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent d'honneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé, comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective, vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici on est mieux que là-bas, on le sait, parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci, parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France, j'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime, que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi fâcheux sous moi. Musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de me respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Hem sentit Kerry James o Kerry James amb Lettre à la République. Seguirem, sense allunyar-nos del món del rap, amb un tio, Fabian Marceau, conegut com a Grand Corps Malade, Grand Corps Malade, si és tal com s'escriu, és un compositor i escriptor de poesia slam. Slam és un torneig de poesia, així ambientat com si fos un combat de boxa, on els participants s'enfronten a si mateixos a través de recitals dramatitzats, amb notes d'un jurat seleccionat pel públic. Com ja he dit, el format és com un torneig inspirat en la boxa. Es fa per rondes, on cada poeta té com 3 minuts per llegir el seu poema. I a diferència del que és, acostumen a ser les batalles de galls pròpies del rap, on estan cara a cara i s'enfronten directament i es responen l'un a l'altre, aquí no, aquí els poemes es llegeixen, els tios pugen sols davant del públic i llegeixen els seus poemes, i llavors reben les notes i passen a la següent ronda. Aquest senyor, Gran Corps Malade, que es diu Fabian Marceau, va néixer el 31 de juliol del 97, va començar a escriure als 15 anys. El de Gran Corps Malade vol dir gran cos malalt, i el nom li ve perquè quan era petitet, bueno, no tan petit, quan era adolescent, tirant-se a la piscina es va tirar malament. El tio treballava de monitor de temps lliure a Sant Denis i es va fracturar no sé quantes vèrtebres i es va quedar, deien que es quedaria invàlid, però 2 anys després va recuperar la mobilitat. Així doncs, us deixo amb Gran Corps Malade, amb el tema Je viens de là, jo vinc d'allà. On peut pas vraiment dire qu'on choisit son lieu de naissance, ce que vont découvrir petit à petit les 5 sens. Un jour mes parents ont posé leurs valises, alors voilà, ce sont ces trottoirs qu'ont vu mes premiers pas. Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles, et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style. Je viens de là où le langage est en permanente évolution, verlan, rebeu, argot, gros processus de création. Chez nous les chercheurs, les linguistes viennent prendre des rendez-vous. On n'a pas tout le temps le même dictionnaire, mais on a plus de mots que vous. Je viens de là où les jeunes ont tous une maîtrise de vannes, un DEA de chambrette, une répartie jamais en panne. Intelligence de la rue, de la démerde ou du quotidien, appelle ça comme tu veux, mais pour nous carotter, tiens-toi bien. On jure sur la tête de sa mère à l'âge de 9 ans, on a l'insulte facile mais un vocabulaire innovant. Je viens de là où dans les premières soirées ça danse déjà le break. Je viens de là où nos premiers rendez-vous se passent autour d'un grec. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire, qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire. Je viens de là où y'a du gros son et pas mal de rimes amères. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où dès 12 ans, la tentation te fait des appels, du business illicite et des magouilles à l'appel. Je viens de là où il est trop facile de prendre la mauvaise route, et pour choisir son chemin, faut écarter pas mal de doutes. Je viens de là où la violence est une voisine bien familière, un mec qui saigne dans la cour d'école, c'est une image hebdomadaire. Je viens de là où trop souvent, un paquet de sales gamins trouvent leur argent de poche en arrachant des sacs à main. Je viens de là où on devient sportif, artiste, chanteur, mais aussi avocat, fonctionnaire ou cadre supérieur. Surtout te trompe pas, j'ai encore plein de métiers sur ma liste. Évite les idées toutes faites et les clichés de journaliste. Je viens de là où on échange, je viens de là où on se mélange. Moi c'est l'absence de bruit et d'odeur qui me dérange. Je viens de là où l'arc-en-ciel n'a pas 6 couleurs mais 18. Je viens de là où la France est un pays cosmopolite. Je viens de là où plus qu'ailleurs il existe une vraie énergie. Je ressens vraiment ce truc là, c'est pas de la démagogie. On n'a pas le monopole du mérite ni le monopole de l'envie. Mais de là où je viens c'est certain, c'est une bonne école de la vie. Je viens de là où on est un peu méfiant et trop souvent parano. On croit souvent qu'on nous aime pas mais c'est peut-être pas complètement faux. Il faut voir à la télé comment on parle de là où je viens. Si jamais je connaissais pas, j'y emmènerais même pas mon chien. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là et je kiffe ça malgré tout ce qu'on en pense. À chacun son territoire, à chacun sa France. Si je rends hommage à ces lieux, à chaque expiration, c'est que c'est ici que j'ai puisé toute mon inspiration. Je viens de là où comme partout, quand on dort, on fait des rêves. Je viens de là où des gens naissent, des gens s'aiment, des gens crèvent. Tu vois bien de là où je viens, c'est comme tout endroit sur terre. C'est juste une petite région qui a un sacré caractère. Je viens de là où on est fier de raconter d'où l'on vient. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça, on est tous un peu chauvins. J'aurais pu vivre autre chose ailleurs, c'est tant pis ou c'est tant mieux. C'est ici que j'ai grandi, que je me suis construit. Je viens de la banlieue. Hem sentit Grand Corps Malat amb Je viens de là. Ara mirant els videoclips veig que el tio va amb un bastó, o sigui que va recuperar la mobilitat però fins a cert punt. I per acabar amb el rap francès, no podia marxar sense posar Kenny Arcana, un dels grans referents del rap francès. Ell va néixer el 20 de desembre del 82 a Boulogne-Billancourt, perdó, però és criada a Marsella. Una tia molt implicada, molt política, milita en un grup que es diu un grup de filosofia altermundista. Si voleu ho busqueu, jo ho he buscat i seria massa llarg d'explicar. I també milita, és una gran defensora de la desobediència civil. Ella forma part del col·lectiu La Rage du People, la ràbia del poble, que es va crear el 2004 Nuïlls, és un barri del centre de Marsella, no sé si l'he pronunciat bé. Ella és d'orígens argentins, va començar a rapejar als 12 anys i el 2003 va aparèixer el seu primer maxi. Us deixo amb el tema La mère des enfants perdus, la mare dels infants perduts o dels fills perduts, Kenny Arcana. Se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, cause de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps. Et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant. Ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer. Qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des fort à l'instinct animal, parce que dans mes artères coule la jungle. Si chacun pour soi et tout sur celui qui va gêne. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, choisis comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra, je suis avec toi. Mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Cœur orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. Qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Qu'est-ce que vous êtes dans ma voiture? Vous croyez où ici? Allez, n'importe quoi. Non mais alors, vous êtes la police? Quoi? Pour monter en grade, c'est vol-t-il comme but des valises. Mais non, balise pas, ça t'aide à futer ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi. Mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mots. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde. Je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études. Et toi, tu me chantes des louanges, certains font même des raps sur moi. Pour en convaincre les indécis qui doutent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains y ont laissé leur vie si jeune et sûr à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupule et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si je n'ai en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Tes rêves et te tuent. C'est pas ta mort, et si tu crèves, la mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qui devrait y avoir dans tes yeux. La route des rêves et te tuent. C'est pas ta mort, et si tu crèves, elle aura tout. La mort ou la prison. Laisse pas chercher ailleurs l'amour qui devrait y avoir dans tes yeux. Kenny Arcana, m'ha tornat a saltar la cançó. Kenny Arcana amb La merda des infants perdus. Seguirem canviant d'estil totalment. Seguirem amb Dub Inc. Dub Incorporated és un grup de reggae format el 1997 a Saint Etienne, que combinen pues, el dancehall, el dub, l'ska, fins i tot el rap. Canten en francès, anglès, amb tamazight, que és una llengua africana septentrional, i kabilé, que és de la regió de Kabylie, Argèlia. Són 8 membres. El novembre del 99 van llançar els seus dos primers maxis i a partir del 2003 ja llancen el primer àlbum. A partir d'allà van doncs, uns quants... 2005, 2008, 2010, 2013, 15 i 16. Us deixo amb el seu tema Don't Be a Victim, amb la col·laboració de Naam, Dub Inc. Oh. Don't be a victim. Yeah, Dub Inc. alongside Naam. Here it is, you mean. In a DC system. Yeah, yeah. I go sell out for you, Billia. Don't be a victim, be a victim. I'm a rebel. I won't be a victim, I'd rather die. Don't be a fool, stand and fight like power. I've got to break free as I can stay blind. I'm a rebel. I say we step in the zone, yeah. Rebel. We not go follow no propaganda. Rebel. Pass up the cage and make the birds them fly. Don't be a victim, be a victim. We sing on the producer deal. Si le peuple s'indigne, tout le système va s'y remiser. Des gens debout, je vois personne n'est à genoux car on se parle encore. Arriga ding ding, reste pas immobile et refuse la déprime car l'espoir nous anime sommissé. Plus haute que des tours d'ivoire, la force est de pouvoir comprendre nos désaccords. Génération après génération, toujours la même question, mais comment changer la donne? Et toute action entraîne une réaction quand l'insurrection n'est dans. me say, oh Lord, I see clearer your program. In all the things that you plan, it just don't fit my soul. I'm Mr. Stop making money from the guns and watch. Insanity carry the blood from afar. Free up the people from the banks and bars. You can fool them again, we no more house and yard. No, no, we no go bow when the bell rings. In our eyes that light keep twinkling. The fire burns same way from the beginning. All about the same thing. We got lots of to do. Oh yeah. So we go carry the tune. Oh la. This is stepping to. Oh la. It's gonna know this your love always come. Sentit Dub Inc. amb Don't Be a Victim. Seguirem amb Chinese Man. És un col·lectiu de trip-hop format el 2004, originari d'Aix-en-Provence, que té influències del hip-hop, del funk, del dub, del reggae i del jazz. Està format pel DJ Marcel Z. Mateo, el senyor Haiku i el beatmaker Sly. El nom en si té molta controvèrsia, pel que es veu, per un concepte que se'n diu apropiació cultural, tots, bueno, el nom ja ho diu tot, i un altre concepte que es diu whitewashing, que era algo que passava anys enrere, dècades enrere, en el món del cine, que era agafar actors blancs per fer papers escrits per personatges no blancs. Des del Mickey Rooney fent de Chino, què et diré, o la mateixa pel·lícula, la primera pel·lícula sonora, que es diu El cantor de jazz, que era un blanc que l'havien pintat de negre i li deixaven els llavis de color blanc. Bé, us deixo amb el tema I've Got That Tune de Chinese Man. a little tune that we always play for the league. Aquests eren Chinese Man, I've Got the Tune, i bueno, se'ns està acabant el temps d'aquest tour de França que hem fet avui. Us deixaré amb C2C o Cops to Cross. He intentat buscar la traducció, però els traductors d'internet es fan un lío. Sembla que és la barreja de dos idiomes, perquè sembla cops vol dir trets en francès i to cross en anglès vol dir a creuar, a creuament. C2C van néixer el 98 a Nantes. Són quatre DJs. Alguns havien format part de grups ja coneguts com 20 Seal, Beat Torrent, o Hocus Pocus. Hocus Pocus va ser un dels grans grups de rap de França. Són una agrupació, són quatre tios que estan a dalt de l'escenari, cada un amb un plat, amb els seus vinils, cadascú fent servir el vinil com a instrument. Un es dedica a fer el ritme, l'altre el baix, l'altre riff de guitarra i l'altre scratches. És una gent que, bueno, es van trobar a l'escola, quan eren petits, tots molt influenciats per DJs com DJ Qbert o DJ Shadow, que són els grans mestres del turntablisme. Turntablisme és precisament fer servir un turntable, que és un plat, un reproductor de vinils, per fer-lo servir com a instrument. Així doncs, i ja per acabar aquest Tour de França, us deixo amb C2C i el tema Down the Road. Moltes gràcies per escoltar Teràpia de Grups, Doctor J, aquí a Ràdio Pinsania, i fins una altra. Moltes gràcies. Mm-hmm. place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Have no place to go. I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Darling, have no place to go. Come walking out. Come walking out.